Mon histoire commence quand j'ai vu qu'entre les lignes le savoir s'affine, que notre monde a la guigne, qu'entre les lignes la pensée se peaufine, que l'immonde prend forme, que ces salopes là je fine. Entre nos lignes il y a des notes et le blast de nos portes. Philippe Roth m'a appris que la provoque paye, que l'être humain saigne entre la tâche, le complexe de Portnoy et la bête humaine. Que la vie est une balade, accueillir les fruits de l'arbre de la jouissance en esquivant les glissades, à ne pas rêver d'une carrière à la Marquis de Sade malgré l'universal. Que la conscience d'un mythe personnel n'amène qu'au mal, à l'inconscience, au scandale, à se mentir. Lorsqu'Abel Tifoge nous fait entrevoir le pire, le détournement de la réalité, le trope d'une vie sucrée qui glisse à la mer. Ceux qui croient dur comme fer aux préceptes de Pangloss en ignorant le message clair de Voltaire. Quand je ne m'enseigne qu'il faut être fier de son parcours, représenter nos galériens jusqu'à la mort, ne pas brider l'amour quand vient l'heure, encore moins se dire tout barbe au grand cœur, si proche des Black Panthers. Gosse de la basse, ex-tonard, chassant un coup de semelle d'arda, cette pute de Le Pen et ses sbires, et pas pour la gloire, sauver leur temple des flammes menaçantes, des connards. J'en ai appris des décennies plus tard que la lutte est idéologique, physique, qu'on se bat avec les mots, qu'on parle avec les poings et qu'on n'y croit qu'avec la trique, que ma cellule est faite de mots, les mêmes capables de traverser les briques, que nous sommes tous quelque part des personnages en quête d'auteur. Quand le parfum du rêve en tête la vie de son odeur, qu'à la lecture de grands auteurs, mauvais garçons, mes grands penseurs, hommes d'esprit et de cœur, j'y ai trouvé mon moteur, ma ligne conductrice et mes mentors. Tu peux vérifier nos sources, mais tu sais ce qu'il en coûte, que ta bouche postillonne à grosses gouttes. Le savoir est un puissant fond qu'analyse, plus puissant que les rouages de la psychanalyse. Le déni de mémoire alimente la polémique de Suez au Nicaragua, de France à Afrique. À tous ceux qui irriguent, le savoir nous éduque, plus précieux que l'or noir de vos oléoducs. Les mots s'effaceront si l'omerta perdure, si toutes les rédactions tournent à pleine censure. Les mots sont robustes de la musculature, comme une trace de Bosca dans les bus de la ture. Ça converge dans les têtes, s'exécute à la lettre, dans le fond de mes textes, à la source je t'aide. Sans de molle, je m'allais, devenu obsolète, sans qu'on me dicte le geste et qu'on me dise le reste. Électron libre, au trait pittoresque, ne gobe pas l'évangile, présent dans vos fresques. Donne-nous des faits tangibles, pas des béboniments, au relent paternaliste, les Pedro Lant. À la gloire du plus candide, je veux que poussent les monuments, et que la mort de l'étranger ne soit pas vide d'enseignement, que les écrits restent. Voilà ce qui nous incombe, et si vous êtes des autres, j'irai cracher sur vos tombes. J'irai poser ma gueule dans un recueil de prose. Dépose les fleurs du mal où vos dépouilles reposent. On ne rend pas de compte sans que les proies se démontent, et ça vous pousse la fonte. C'est la période de pompe. Lis-moi le sentiment derrière le personnage et ceux qui m'attendent. Si je tourne la page, je laisse toute volante autour de l'auteur et reprends une blanche pour une brève de compteur. Questa merda non cambia, sai qua, brandelli sparsi di nuova rabbia. Oggi come ieri noi rinchiusi in questa gabbia, nascosti tra i palazzi come testa sotto sabbia. On est présent pour représenter, car de l'argent sur une carrette, c'est pas cache de gravité, alors cache.